إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة السابعة والثامنة والخمسين، qui sont la 57e et 58e مسألة réunies ensemble. قال التحريف ولي الأسئنة في الكتاب وفي كتاب الله، يعني يقول في المت تحريف الكلام من مواضعه ولي الأسئنة بالكتاب، échange le contenu du livre, échange les termes qu'ils emploient. Et cette mas'ala, c'est la même mas'ala que la 26e, qui elle était تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهوائهم. Qu'il change les preuves et les modifie afin qu'elles correspondent avec leur passion. فهذه مسألة نفس مسألة تقريبا. Comme on l'expliquait, il y a des مسائل يعني ce sont les mêmes ou à peu de choses près elles sont similaires. Je ne sais pas comment le mu'allif il a fait l'ordre de ce livre. Mais s'ils avaient été réunis tout ensemble, ça aurait peut-être été plus facile. Wallah, mais le Shir, il n'a pas fait de remarque par rapport à ça. Shir al-Fawzan. Par rapport au tartib. À la colline. Qala. Shir al-Fawzan fi sharh. Tahrif kalam an mawadi'i. Wa taghyir hurufihi. Aw sarfuhu an ma'anah. Fa al-kitab. Hum. Min hirfatihim. Al-khabitha. Annahum yuharrifun al-kalam. An mawadi'ihi. إما بتغيير ألفاظه وإما بتغيير معانيه أو تفسيره بغير تفسيره فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية. Donc il dit que le fait de changer les paroles et mettre hors contexte, soit en changeant par exemple les termes, ou en changeant les lettres du mot, ou en changeant son sens, que cela est parmi justement les caractéristiques des gens du livre. Al-Khabitha. Car ils mettent la parole et la sortent de son contexte. Avec, comme on a dit, soit les termes, soit les lettres, soit le sens, soit un tafsir, réel zalika. Et tout ce qui agit de la sorte, ça fait partie du mazhab des gens de la jahiliya. Et c'est exactement la voie que emploient les firaq dalla de l'islam, qui changent les textes, afin que cela corresponde avec leurs passions et leurs objectifs, et leur doctrine. Donc cette mas'ala là, c'est la même qu'on avait expliqué que la 26e. Naam, fala haja ila i'adat al-kalam fiha. Donc là les deux, il les a mis ensemble. Deux mas'ala. Hakadha ja fi kitabi. Tamam. Qala al-mas'ala at-tasi'a wa al-khamsun. 59e mas'ala. Talqibuhum al-haq bi al-qab al-munaffira. Qu'ils accordent aux gens de la vérité des surnoms qui font fuir, des sobriquets qui font fuir les gens. فقال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى تلقيب الهدى والثواب بالصائبة والحشوية. Donc le fait qu'ils surnomment les gens de la vérité et de la guidée par des termes outranciers. Et Sa'iba, comme le Shia l'explique, c'est les gens qui ne sont pas sur la vérité. C'est-à-dire qu'ils qualifient les gens de la vérité comme n'étant pas sur la vérité. Ou Hashwiya, comme le Shia dit, ce sont les gens qui emploient des termes, qui profèrent des paroles qui n'ont aucun intérêt. La Fa'idata Fiha. Donc eux, ils qualifient les gens de la guidée et de la vérité comme étant de la sorte. Qui ne sont pas sur la vérité, d'accord, et qu'il parle pour rien. هذا خلاصة هذه المسألة كما قال حفظه الله تعالى من مناهج أهل الجاهلية احتقاره من أهل الهدى. Donc parmi les gens de la voie des gens de la jahiliya, qu'ils méprisent les gens de la guidée et leur accordent des sobriquets outranciers et insultants. Comme il a dit, il est qualifié de sabi'a كذلك de Hachouia. Et d'autres termes, ça ce sont les termes qu'ils ont employés à leur époque. Aujourd'hui, on a d'autres termes, comme par exemple, ce sont des attardés, ou ça c'est ce qu'on trouve chez les gens de l'islam, qui qualifient par exemple les gens de la Salafia, de la Houda, comme étant des gens retardés, qui ne vivent pas avec leur temps, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'actualité. Les koufars nous appellent radicaux, ils appellent intégristes. Tous ces termes pour faire fuir les gens. Quand même, pour faire fuir les gens et qui n'acceptent pas la vérité venant des gens de la Sunna. Ou alors, à échelle plus grave, ou à échelle plus large, qui n'acceptent pas les paroles des gens de l'islam. C'est-à-dire, les koufars, ils font cela pour pas que tu écoutes des gens de l'islam. Et les gens de l'islam, parmi les gens de l'égarement, agissent de la sorte pour ne pas que tu écoutes des gens de la Sunna. Ils viennent avec des termes comme ça qui font peur. Quand tu entends, tu n'as pas envie d'écouter, tu dis ces gens-là, ils m'ont pas l'air d'être sur la guidée. Donc ça, c'est une voie empruntée par les gens de la Jahiliya pour faire fuir les gens de la vérité. Commencez par faire fuir des gens de la vérité. فهذه كانت خلاصة المسألة التاسعة والخمسين. طيب. ثم قال المسألتان الستون والحاجة والستون. Là maintenant, car également, il met deux masala ensemble, qui sont la 60e et la 61e. قال افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. Qu'il ment sur Allah et qu'il démonte la vérité. Et هذه المسألة كذلك تشبه بعض المسائل قد سبقت. Et cette masala également ressemble à d'autres masail qu'on a pris précédemment. فقال في الشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى افتراء الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق من طريقة أهل الجاهلية مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت وراء وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Donc le fait de mentir, de proférer des mensonges sur Allah et sur son messager et de démentir la vérité, cela est la voix des gens de la Jahiliya, comme ils le faisaient auparavant lorsqu'ils tournaient autour de la Kaaba nu. Et la masala, on l'a pris déjà. Qu'ils adorent Allah en commettant des choses muharram. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit dans le sens relatif rapproché, comme Allah l'a dit dans le sens relatif rapproché, nous avons trouvé nos pères, c'est-à-dire qu'ils agissaient de la sorte, et Allah nous a ordonné cela. C'est-à-dire qu'ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il leur a ordonné de tourner autour de la Kaaba en étant nu, ou alors en ayant des vêtements dans lesquels aucun péché n'était commis. Donc ça, c'est du mensonge sur Allah, subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Et qui donc est plus injuste que celui qui profère sur Allah des mensonges, qui invente des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Et ils disent sur Allah le mensonge et ils savent très bien. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Il dit seulement les seuls qui profèrent le mensonge sur Allah sont ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et ceux-là sont les menteurs. وَرَيْلَ ذَلِكَ مِنِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي تَذُمُّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et on a expliqué que le fait de mentir sur Allah ou de parler sur Allah sans science, cela est la source de tous les maux qui amènent à toute forme de déviance, qu'elle soit shirk, kuf, bid'a, marsiya ou ذَلِكَ. Et il y a des gens qui ont fait cela, ils ont menti sur le prophète Mohammed s.a.w. en inventant des hadiths. Al-lazi yusama bil hadith al-mawdu', le hadith mawdu', qui parmi ses causes, il était inventé volontairement par certaines personnes, afin que cela coordonne avec ce qu'ils veulent. Ou pour pouvoir détruire la religion. Al-maqasid mukhtalifa. Donc le fait de mentir sur, de parler sur Allah sans science, on avait expliqué que les ulama, ils ont dit que ça c'est du mensonge sur Allah, même si tu n'as pas voulu. Parler sur Allah sans science, sur la religion sans science, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans science, cela s'appelle du kazib. Et la faïda, on a déjà expliqué que le kazib, en arabe, on le traduit par mensonge, et c'est un mot qui s'applique sur ce qui a été fait volontairement ou pas. Nous, en français, le mensonge, c'est forcément délibéré. Alors qu'en arabe, kadhib, ça peut être une erreur que tu as commis. Huwa al-ikhbar an shay yukhalif al-waqi'. C'est le fait de dire une chose qui s'oppose à la réalité. Que tu l'aies fait exprès ou pas. Ça s'appelle un kadhib. Et dans le lorat al-hijaz, kadhiba, yatib mana akhta'a, qui veut dire le fait de s'être trompé. Et eux, lui, visent ceux qui font exprès de mentir. Et qui démentent la vérité. Ce sont ça les deux mas'alas. Le fait d'inventer sur Allah des mensonges et le fait de démentir la vérité. Donc là, le shir, par la suite, il met en garde le fait de parler sur la religion sans science, d'émettre des fatawas sans science, d'appeler les gens à la religion sans science, au vrai les alika. Et surtout, al-intabah ila nashr al-ahadith al-makzouba al-za'ifa allati la yuhtaj biha wallati la yu'malu biha. De faire attention à ne pas propager des hadiths mensongers ou faibles qui n'est pas permis d'appliquer. Faire attention. D'où l'importance primordiale de l'existence des muhaddithin. Que leur existence est primordiale. Les muhaddithun, les gens qui étudient la science du hadith, qui savent différencier l'authentique du faible, ou les alika. Ha'oulaï rahmatullah alayna, elul hadith. Les gens du hadith sont une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et un moyen de préserver la religion. Comme encore l'Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna zikr, wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire la religion, et nous en sommes protecteurs. C'est-à-dire que la religion, elle est protégée. Elle pourrait être altérée. De façon générale. Des gens partiellement pourront mentir ou quoi, mais de façon générale, la religion en elle-même sera toujours présente. Et Allah la préserve. Et cela par la cause, par des causes, et parmi ces causes, la présence de ulama. Et particulièrement, ulama, elul hadith, les muhaddithin, qui sont là pour préserver la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Thumma qala al-mas'ala al-thaniya wa sittoun. 62e mas'ala. Istinfar al-muluk zid ahlil haqq. Le fait de soulever les rois contre les gens de la vérité, c'est-à-dire les gouverneurs. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قولهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. Donc le fait que lorsqu'ils sont vaincus par les arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers une autre méthode qui est le fait de porter plainte auprès des gouverneurs et de soulever les gouverneurs contre les gens de la vérité, comme l'ont fait le peuple de Pharaon. Lorsque Moussa, alayhi salam, a réussi à battre, à avoir le dessus sur les sorciers. Mazer Kanlou, les Pharaon, ils lui ont dit dans le sens, vas-tu laisser Moussa et son peuple semer le désordre sur terre? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu qu'ils ont échoué, ils ont fait quoi? Ils ont soulevé et révolté Pharaon, qui utilise son autorité pour pouvoir s'en prendre à Moussa, alayhi salam. Donc le chien le dit, parmi les masselles de la Jahiliya, lorsqu'ils sont vaincus par les arguments, ils se servent des autorités. Car ils ne peuvent réfuter scientifiquement ou avec le haq, donc ils utilisent la force. Toi-même, comme l'ont fait les gens de Pharaon. Lorsque Moussa alayhi salam les a défiés et qu'ils leur ont demandé de faire une rencontre entre eux devant les gens pour savoir qui aurait les arguments les plus forts. Et ils ont réuni les plus grands sorciers de Pharaon. Et Moussa alayhi salam est venu. Seul avec Haroun. Quand même, ils ont lancé leur bâton aux yeux de tous. Qui sont devenus des serpents. Par leur sorcellerie. Et les ulama ont expliqué comme Cheikh Al-Fawzan que ce sihr qu'ils ont fait, c'est un sihr tahyili. C'est de l'illusionnisme. C'est-à-dire une chose qui altère dans la vision. Tu crois que tu as vu quelque chose alors que celle-ci n'est pas réelle. C'est ça la sorcellerie qu'ils ont utilisée. Donc là, mais leur sorcellerie, elle était vraiment très forte. Donc là, Moussa alayhi salam, il a eu peur. De quoi? Que cela ne soit un talbis sur les gens, que les gens ne se mettent à croire ces gens-là. Faqalallahu Allah, alqima biyaminik, talqafumma ya'fikun. lance qui est dans ta main droite, ce qui va détruire ce qu'ils ont entrepris. Donc là, Moussa alayhi salam lança son bâton qui devint un grand serpent. Et dans les tafasir, ils disent qu'il a mangé tous les autres. Et là, les Sahara, ils ont bien vu que ce que Moussa alayhi salam a fait n'était pas du sihar. Ce n'était pas humain, ce n'était pas possible. Donc de là, ils ont cru. Quand même, ils ont cru. Ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par la cause de Moussa. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il les a menacés de les crucifier. Et ils ont patienté, car la foi entre dans leur cœur. Oufiqou bi tawba al-nasuha. Donc il les a tués. Et une fois que les gens commençaient à voir que la vérité était avec Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'on fait le top de Pharaon? C'est là qu'ils lui ont dit. Atavaru Moussa wa qawmahu lisudu fil ard. Vas-tu laisser Moussa et son peuple semer la corruption sur terre? C'est-à-dire que Moussa, il remet en question ta divinité, il a fait la ronde. Tu vas le laisser faire? Les gens vont voir que tu n'es pas une divinité par la cause de cet homme-là. Ne le laisse pas faire. C'est-à-dire que ce que Moussa a fait, c'est de la corruption et du désordre pour eux, pour ces gens-là. Car ils s'opposent à leur passion. Ils s'opposent à leurs objectifs. Ils s'opposent à leur domination qui est les fausses. Donc qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa nafawqahum qahirun. Nous allons massacrer leurs fils et laisser leurs femmes vivantes et nous allons prendre le dessus sur eux. Maintenant, une fois qu'il a échoué avec les arguments, qu'est-ce qu'il fait? Il veut passer à la force. Quand il a échoué, il n'a pas d'argument. Après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de son autorité. Et ce fait-là est toujours présent aujourd'hui chez les gens du faux. On l'a vu ici au Yémen et ailleurs dans le monde. Lorsque les gens de la vérité sont là, sont présents, qui dérangent et qui ne peuvent faire face aux arguments. C'est-à-dire, même si demain tu viens à faire un débat avec eux devant les awam, ils savent qu'ils n'auront pas le dessus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les autorités. Pour dire cela, attention, ce sont des irhabiyoun, des terroristes. Attention, cela c'est des Daesh. Cela c'est des Qaïda. Ceux-là sont des casas, des casas et des casas. Ceux-là, il y a, en disant gouverneur, ils vont t'empêcher de pouvoir appliquer ton autorité dans ton pays. Ces gens-là appellent au contraire ce que tu veux dans ton pays. Ils soulèvent l'autorité et après font des problèmes aux frères. C'est la même chose. Donc ces sifats-là sont les sifats des gens de la Jahiliya. Les soufis, ils le font ici. Les ikhwan, ils le font. Les hizbis également l'ont fait. Ils ont dit qu'il y a intaqalu li shakwa ila al-hukam. Quand ils n'arrivent pas à avoir le dessus avec les arguments, ils vont voir les gouverneurs. Mais qu'à la base, le gouverneur, il revient de son rôle d'empêcher les corrupteurs d'agir sur terre. C'est-à-dire que normalement, même le mubtadir, ou le fasiq, ou al-dhal, le gouverneur doit vraiment sévir avec lui. Et lui infliger une sanction pour qu'il arrête son mal. Ça, c'est la base, elle est réelle. Mais eux te font passer pour cette personne-là qui sème la corruption, alors que ce sont eux les corrupteurs. Et de là, le gouverneur s'en prend à toi. Et c'est aussi du fait qu'ils sont mal entourés, malheureusement. Pourquoi? Car la plupart d'entre eux, malheureusement, n'ont pas basé leur pays sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça mène à de mauvaises représailles comme celle-ci. Et que les gens du vrai sont combattus injustement. Voilà, azbillah. Et on finit. Par cinq masalas qu'il a mis tout ensemble également en une seule masala. Du moins, en un seul paragraphe. Wa hiya al-masala al-thalitha wa rabi'a wa al-khamisa wa al-sadisa wa al-sabi'a wa al-sittoun. Qui sont 63e, 64e, 65e, 66e, 67e, mas'ala. Qal, ramihim, ahlul haqq, bimahum bura'a, minhu. Qu'ils accusent les gens de la vérité, de ce dont ils sont innocents. Qal, al-mu'allifu, rahimahullah ta'ala, ramihim, ahlul haqq, bisifat al-zamima. رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملوك وآلهة وتبديل الدين. Donc ils accusent les gens de la vérité, on leur attribue des sifat, de mauvaises caractéristiques, c'est-à-dire ils les décrivent de façon mauvaise. Et les accusent de semer la corruption sur terre. Comme dans le verset, cette masala revient à la masala précédente, en disant qu'ils nuisent au royaume du gouverneur et à sa royauté ou à sa divinité, comme ce fut le cas de Pharaon, et qu'ils veulent changer la religion. Donc là, cette masala là, ça revient à la même. Peut-être que la première, c'est le fait Ramihim el haq bi sifat zamima. Ça, c'est une. Ramihim iyahum bil fasad fil ard. Peut-être que c'est deux. Kama fil aya. Wabi intiqas din el malik. Trois. Wa alihati. Quatre. Wa tabdil el din. Cinq. C'est ça, les cinq, en fait. Les décrire d'une façon mensongère. De les accuser de semer la corruption. Deux. Qui sont une offense pour le royaume ou pour la religion du roi. 3. Ou sa divinité. 4. Et qui veulent changer la religion. 5. Voilà les 5 masaïl qui sont réunis tout ensemble et qui reviennent à celle qui est précédemment citée. Donc de là, les gens du faux disent cela et vont soulever le gouverneur par ses prétentions. Qui est également âgé de la sorte? Quraysh. Lorsque les sahaba radwanullah alayhim hajaru lil habasha fi al-hijrat al-ula, lorsque les sahaba sont partis en habasha, an-najashi istaqbalahum, les a accueillis et les a protégés. Lorsque Quraysh ont vu qu'ils avaient échoué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va soulever an-najashi contre eux. Et ils ont commencé, par exemple, à dire que les muslimoun venaient avec une religion nouvelle, qu'ils s'en prennent, qu'ils insultent Isa alayhi salam, qu'ils vont changer ta religion, que chez nous, ils ont fait du mal, donc rends-les-nous qu'on les renvoie chez nous. Ils ont soulevé le Najashi contre eux. Mais, bifadlillahi ta'ala, wuffiq al-Najashi. Il a été muwaffaq. Et également, parmi leurs techniques, ils ont apporté des cadeaux au Najashi, pour pouvoir, comme on dirait, l'acheter, l'amadouer, avec des cadeaux. Comme ça, lorsqu'ils écouteraient d'eux, ils auraient déjà un penchant pour leurs paroles. Mais, comme qu'a dit Ta'ala, wa makaru wa makar Allahu wallahu khairul makirin. Que maquille leur stratège, Allah est meilleur qu'eux. Donc cela s'est retourné contre eux, et Najashi les a refoulés, et les a renvoyés, et a gardé les sahaba auprès d'eux. Il les a préservés. Et il s'est, bifadlillah, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, secrètement. Mais il est mort muslim. Sallallahu alayhi wa sallam. On dit pas, radiallahu anhu, car c'est pas un sahabi. Car il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi est celui qui a vu, ou qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois, qui a cru en lui, et qui est mort sur la foi. Al-Najashi, il a regroupé toutes ces sifat à part une. Il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, il n'a pas été considéré comme étant un sahabi. À la cour de sahih. Donc là, ce sont les masalik qu'on a pris aujourd'hui. Qu'il change les adillah et change les termes. Et celle-là a déjà été citée. Et ça, ce sont surtout les juifs qui font cela. Ils cachent les versets. Quelle histoire fut citée dans le cas des juifs lorsqu'ils ont voulu justement, il y a eu deux gens qui ont forniqué de parmi les Yahoud, un homme et une femme. Et ils n'ont pas voulu lapider. Leur sentence, c'est qu'ils, je crois qu'ils leur mettaient du charbon, ou je ne sais quoi, sur eux, sur leur visage, du noir, ils les mettaient sur un âne et les étournaient dans les lieux publics, pour que tout le monde les voit, pour les humilier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, leur a dit, le fornicateur, c'est quoi le jugement dans votre livre? Un juif est venu, un yahoudi est venu, lui a porté la Torah, et a lu ce qui concernait le zina. Mais il a mis sa main sur le verset qui cite la sentence à appliquer sur le zani, sur le fornicateur. Et là, Abdullah ibn Salam, qui était un ancien Yahoudi qui s'est converti, qui était un savant, il lui a dit, enlève ta main. Et là, il a enlevé sa main, et sous sa main, il y avait le verset qui disait qu'il fallait lapider le zani. C'est-à-dire que même dans la Torah, et même dans l'Injil, zani, on le lapide. Ce n'est pas une chose nouvelle en islam, contrairement à ce que les koufars vont faire croire. C'est un jugement qui est établi dans les kutub. Dans la Torah, ça y est. Et dans le djinn, ça y est. Zani narjumo. On le lapide à mort. Et là, on parle de celui en islam qui est mursil, c'est-à-dire qui a déjà connu le mariage. Soit qui est marié, soit qui a déjà connu le mariage légiféré. Et celui qui n'a pas connu, on le flagelle. Ala kullin. Et shahid, pour dire que là, ils ont voulu cacher un verset. Car c'était quoi la cause? C'est qu'ils disaient, lorsqu'ils appliquaient la sentence, quand c'était un pauvre, ils l'appliquaient sur lui. Quand c'était un noble, ils ne le faisaient pas. Donc ils se sont dit, pour mettre tout le monde d'accord, on va trouver un nouveau jugement. Donc ils ont quoi? Ils ont hakamu bireleman zalallah. Ils ont changé ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Car ils n'étaient pas des gens justes et équitables. Donc pour mettre un jugement similaire à tout le monde, ne pas avoir à tuer les gens nobles, ou alors à épargner les gens faibles, ils ont fait un jugement qui d'après eux était du juste milieu. Ce jugement qu'ils ont établi, qui est de saupoudrer le visage des gens avec du charbon, il me semble, j'ai oublié dans le hadith qui est venu dans Sahih al-Bukhari, et de le mettre sur un âne et le faire tourner dans les, au milieu des villes et de l'insulter. Dans les lieux publics et de l'insulter. Donc là, ce jour-là, ils furent dévoilés. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, les a dévoilés. Car ils connaissent leur religion et ils connaissent leur makr. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapida ces deux-là. Ce Yahoud et cette Yahoudia. À la colline. Toujours pour également le Masraïl qu'on a pris, qu'il lance des sobriquets outranciers qui font fuir des gens de la vérité. Qu'il mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala et démentent la vérité. Et qui soulève les gouverneurs contre les gens de la vérité. Et qu'ils accusent les gens de la vérité de choses dont ils sont innocents, qu'ils n'ont pas fait. Ça, c'est très connu. Fabiadrakod naktafi wa nakul, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.